Les petits jobs ont bien changé en tout oui, cas. Oui, vous vous souvenez, il n'y a encore pas si longtemps, quand on voulait gagner de l'argent en plus de son travail, on faisait ce qu'on appelle des extras. On allait travailler le soir dans des cafés ou dans des restos pour que les fins de mois soient moins rudes. Le plus souvent, c'était le cas des étudiants, ça l'est encore hein, d'ailleurs. Et pour beaucoup de personnes, c'est aussi leur quotidien cumulé de jobs pour subvenir à leurs besoins, d'autant plus dans une période d'inflation intense comme on est en train de la vivre. Mais la Gen Z a trouvé une solution pour ne plus détruire sa santé au travail, miser sur elle-même. Alors on dit souvent que les réseaux sociaux rendent un poil égotique, mais ça peut aussi avoir des avantages. C'est ce que révèle une enquête du Washington Post qui dit que certains jeunes de moins de 26 ans gagnent de l'argent en plus de leur travail grâce aux réseaux où ils y vendent des objets, des conseils et des services. Ça, ce sont les influenceurs dont vous nous parlez tout le temps, Manon. Non, c'est la nuance. Je ne parle pas de TikTokers ou d'Instagrammeurs dont le but est d'avoir le maximum d'abonnés pour espérer récupérer des partenariats, des contrats. Les personnes qui témoignent dans l'article sont des monsieur et madame tout le monde qui utilisent les réseaux pour arrondir leur fin de mois. On les appelle les « digital side hustle », ce qu'on pourrait traduire par les chasseurs digitaux. Et il y en a deux types. Ceux qui vont faire du bénéfice assez simplement, en vendant des produits et des habits sur Vinted ou les sites de revente. Comme ça cartonne en ce moment, ça peut devenir très vite un bon moyen de se faire de l'argent en plus tous les mois et de soulager sa conscience écologique. Et puis, il y a ceux qui vont mettre leurs compétences en avant en vendant leurs conseils. Mais quel type de conseils ? C'est comme si je décidais de mettre à profit mes compétences en tant que journaliste spécialiste des réseaux sociaux. Oh, bah, tiens. Allons-y. Je pourrais me rémunérer en donnant des conseils payants à des apprentis journalistes qui veulent apprendre comment faire. Bah oui. Et je passerai évidemment par mes réseaux pour le faire. Une petite vidéo TikTok pour faire ma petite promotion. Un lien vers mon site internet. Un paiement de 100 euros le cours. Et boum. Et tout. Ça, vous commencez direct à 100 euros. C'est ce que font la plupart des personnes interrogées par le Washington Post. Jess Ramos, par exemple, 25 ans, est une data analyst aux États-Unis. Et à côté de son job principal, elle vend des tutos sur LinkedIn pour apprendre comment réussir à trouver un travail dans son domaine. Sur sa page, elle se vend comme une LinkedIn instructor. Et elle a aussi un badge Top Voice, hein, une sorte de certification de LinkedIn qui met en avant, je cite, des experts du monde professionnel. Elle vend donc des guides à 15$, des tutos à 20$. Et on peut même devenir membre premium avec des conseils personnalisés pour 140$. Et puis, d'autres arrivent aussi là par hasard. C'est le cas de Colin Strode, un jeune américain de 24 ans. Lui, un jour, il a posté sur LinkedIn sa méthode pour trouver des billets pas chers pour voyager et il a été assailli de demandes par la suite. Maintenant, il fait payer 175€ la consultation pour qu'il nous aide à organiser nos voyages. Et ça rapporte visiblement. Eh bah oui, des centaines, voire des milliers d'euros par mois et tout ça depuis leur canapé. Alors évidemment, ça demande quand même un minimum d'investissement. Il faut que les clients en aient pour leur argent. D'ailleurs, je trouve que c'est quand même une bonne réponse à ceux qui traitent cette génération, deux générations de fainéants collés à leur téléphone. Alors certes, ce sont des initiatives qui ne vont pas leur faire baisser leur temps d'écran, au contraire, mais ce sont aussi des concepts qui demandent des compétences, de la création et une certaine confiance en soi. Rédiger un tutoriel, faire des entretiens, monter une mini-entreprise autour de son nom et de son expertise, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Personnellement, je pense que je serais incapable de le faire. Mais si, Manon, juste, vous n'avez pas le temps. Oui, et c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est pas accessible à tout le monde, car il faut quand même avoir l'énergie pour, l'envie de s'exposer et aussi le métier qui va avec. C'est clair que donner des cours pour devenir, par exemple, directeur d'hôpital sur LinkedIn paraît plus complexe à réaliser que de faire des tutos pour apprendre à cuisiner. Bon, mais comme je vous le disais, on vit une période compliquée économiquement, d'autant plus pour les jeunes qui ont été très impactés par le Covid. Certains sont même obligés de revivre avec leurs parents car les loyers sont devenus hors de prix. D'autres n'arrivent plus à rembourser leurs prêts car les taux sont trop élevés. Bref, avoir 25 ans aujourd'hui et être indépendant financièrement, ce n'est pas simple. Donc, si certains ont l'opportunité de mettre à profit leur savoir-faire pour quelques centaines de dollars par mois et que ça fonctionne, j'ai envie de dire, grand bien leur fasse, ça montre qu'au passage que les réseaux ne sont pas qu'un truc d'influenceur et qu'on peut en tirer profit si on s'y prend bien.